Check. Le monde est une prison. Je ne peux pas m'en sortir. Écoute. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Écoute. Une prison pour ton esprit. Le monde est une prison et je ne peux pas m'en sortir. Coincé entre quatre murs comme dans un hôpital psychiatrique. J'ai même pas pourquoi je suis là. J'ai rien compris. Ils m'ont tiré de balles. Je suis allongé dans un lit. Le monde est une prison. Pour certains, c'est l'enfer. H24, tu grailles pas, ils te regardent souffrir comme dans les camps de concentration. Tu meurs à petit feu, on appelle ça la démigration. Tout ça parce qu'ils sont fush, le racisme est illégal, pourtant beaucoup le pratiquent. Je suis français, et fier patriote, hein, je préfère mourir. Je viens d'une petite commune, on n'y a pas tous ces problèmes. Mais quand je regarde les infos, je me dis que j'ai de la chance quand même. Il paraît dans ce pays, pour une religion, on tue. Parce que t'es juif, on te tire au-dessus. J'ai jamais compris leur principe. Éclairez-moi heureusement, je remercie celui qui l'assassine. En cours d'histoire, je m'intéresse à tout ça. Car le monde était terrassé, j'étais même pas né. Mais c'est gravé dans les mémoires de mon pays. 14-18, y'en a qui l'ont vécu. Ils ont tué des innocents pour montrer qu'ils étaient pas mal. Qu'ils ont tout bien à une fin. Et celle-là a montré sa faiblesse à Verdun. Les Autrichiens et les Juifs, n'ayez pas peur de vous cacher. Hitler est décédé, peut-être trop tard, mais il est déjà enterré. Pas que vous pour Israël, pour la Palestine. J'arrête ce son, j'ai plus rien à dire.